Leçon 5. Exercice 19. Complétez avec les adjectifs qui correspondent. Exemple. Elle a beaucoup d'imagination. Elle est imaginative. À vous. Elle ne renonce jamais. Elle est tenace. Il pense qu'il y a toujours une solution. Il est optimiste. Il a vraiment envie de réussir. Il a tout fait pour cela. Il est ambitieux. Elle a une approche très pratique des choses. Elle est pragmatique. Il n'aime pas qu'on laisse des questions sans réponse. Il est rigoureux.